C'est amusant, mais se retrouver au bout du monde avec ses amis, c'est une sensation incroyable. La première fois que j'ai ressenti ça, c'était en Alsace. D'accord, c'est pas tout à fait le limite. Quoique, pour trouver cafetière, c'est un peu le bout du monde.